Moi je sais qui je suis, je viens de la Médina, je vole comme une coccinelle en bas du bloc. Y'a policia, y court les sentinelles, la vie de sentiment. Quand tu vois maman compter les centimètres. Donc chaque jour, entre eux et la mort, y'a quelques centimètres. Sous le tonnerre, à la recherche du bonheur. On pêche tous les jours sans penser comme il bon Dieu en colère. Génération, elle sert à rien, t'as répute de cogneur. Maintenant c'est où, pistolet doux qui fait pleurer nos mères. Jeunesse perdue sur le KTM, tous pimpés en haut clé TN. Pendant que je suis dans mon monde à gratter sur le BPM. Je te pose mon ADN dans le game, n'en ai pas de haine. J'apporte du soleil et une rage méditerranéenne. Stop, attends-moi, sur la prod j'mets un temps mort. Normalement de me casser la tête, j'ai pas trop le temps. Mais je suis obligé de dénoncer parce qu'ils font les étonner. Les coupables c'est pas ceux qui vivent dans les endroits bétonnés. Dans la Médina, y'a qui pour nous sauver à nous, dis-moi. Dans la Médina, j'vois des enfants perdre la vie pour des djinns. Des enfants perdent la vie pour des djinns. Un certain mal de vivre et un certain de vivre. Envie de m'envoler comme un oiseau quand j'ouvre les vitres. Je veux m'échapper, pas qu'on me dise chapeau. Rien ne sera plus comme avant, comme dit le capo. Elle est où l'époque où j'étais innocente, oh là là. Quand j'écrivais des poèmes et des lettres à maman. Aujourd'hui j'écris des lignes et des textes, j'parle de la rue. À croire qu'elle est devenue ma deuxième maman. Enfant de la rue, celle qui m'a appris la ruse. Moi je me suis perdu dans son chahut comme disait Arcane. On veut gagner, venir à net d'Ogana. Et à tous ces pays qui souffrent jusqu'à Gaza. C'est rien faire avec, il faut pas donner de nom, sinon ils vont te faire ta fête. C'est de la rue. Dans la scène partie de la vie elle ne tient qu'un fil. Avec le temps les cœurs se vident. C'est de la rue. Issue de la rue. Tu peux le faire, personne n'a vu. Il nous reste la belle vue. Dans la Médina, y'a qui pour nous sauver à nous, dis-moi. Dans la Médina, j'vois des enfants perdre la vie pour des djinns. Des enfants perdent la vie pour des djinns. Dans la Médina, y'a qui pour nous sauver à nous, dis-moi. Dans la Médina, j'vois des enfants perdre la vie pour des djinns. Dans la Médina, y'a qui pour nous sauver à nous, dis-moi. Et dans la Médina, j'vois des enfants perdre la vie pour des djinns.